bloqué. Tu veux que moi je reviens et là on recommence. D'où tu es, Tony? Qu'est-ce que ça peut te foutre d'où je suis, hein? La rime est lourde, se répand comme une traînée de poudre. A bientôt le jour où j'irai prier jusqu'à Lourdes. Mais pour l'instant, c'est que le bordel, écriture mortelle. Ta meuf en a même perdu son porte-jartel. Telle une putain de voile, j'arrive et fais pas de détails. Chez nous, le rap se bicre avant le qui ou détail. Mon rap, du underground, pas du commercial. Moi, je pense la porte du rap, m'en balle, écoute les commerciales. Frère, c'est original, MC du béton. Moi, j'ai la dalle, j'ai même jusqu'à bouffer les tétons. Il était dans. Que je me mette à l'écriture, une feuille, une instru, un stylo. Et je me rends compte que mes écritures, c'est crise due au fait que chez nous c'est la galère. T'as beau chercher, y'a rien à se mettre sous la molaire. Personne ne peut m'arrêter une fois lancé. Darko, toujours le même, et ça depuis mes pensées. Ok, t'as lu tout pur en fait. Mon rap recto verso, c'est le visage du seul. Donc M6, t'as la peau douce. C'est ce qui m'arrive, t'as lu l'âme. C'est grosse, pas la féricale. T'es 93, 150. Ça date depuis que j'étais gosse.